Neuvième chapitre, la cathédrale de Saint-Corentin. Quimper, comme la principale ville de la Cornouaille, ne tarda pas à être envahie par une foule d'habitants des campagnes qui s'y jetèrent de toutes parts. Les magistrats, malgré l'impossibilité où ils étaient de soulager toutes ces misères, ne crurent cependant pas devoir leur fermer leurs portes et ils accueillirent avec bonté ces pauvres malades. Pour la plupart, ils couchaient en plein air dans les fossés de la ville. Quelques-uns, pour réchauffer leurs corps glacés, se fourraient dans les fumiers d'où le lendemain on les retirait, privés de sentiments et morts du terrible mal jaune. D'un autre côté, la fureur des loups semblait s'accroître. Chaque jour, les marchandes des campagnes qui venaient au marché de Quimper rencontraient ces animaux, emportant avec eux des chiens qu'ils avaient surpris dans les rues ou quelques habitants trop souffrants pour avoir pu échapper à leur voracité. Cependant, Charles du Lisquet, qui gémissait en son cœur chrétien de ces affreuses calamités, annonça que des prières publiques seraient dites dans toutes les églises et que le 1er avril, qui était un dimanche, une grand-messe serait chantée solennellement à la cathédrale pour implorer la miséricorde divine. Il engageait tous les fidèles à se joindre à lui pour supplier Dieu de mettre fin aux misères qui désolaient la Cornouaille. Le jour désigné arriva. Le soleil se leva radieux sur la ville. Le ciel était pur et l'air tout rempli de chaudes émanations printanières apportées par la brise. À 9 heures du matin, une foule immense se pressait sous les superbes arceaux de la cathédrale dédiée à Saint-Corentin. Monseigneur l'évêque officiait en personne. Sa voix avait été entendue et l'intérieur de la basilique était comble quand la sainte messe commença. Tel avait été l'empressement des Quimpérois à se rendre à cette solennité que l'église se trouva trop petite pour contenir les flots de peuple qui cherchèrent à y pénétrer. Ceux qui ne purent réussir à entrer dans la cathédrale demeurèrent sur la place Saint-Corentin. Là, dans un profond recueillement, la foule agenouillée assista de cœur à l'office divin. C'était vraiment quelque chose de sublime et de touchant que de voir toute cette population invoquant humblement le Seigneur. À côté du gouverneur, on remarquait tous les principaux dignitaires de Quimper. Dans toute cette multitude rassemblée, ce qu'il y avait d'étrange, c'était de voir la diversité des costumes et le mélange des classes de la société qui, ce jour-là, étaient confondues. Tout près de la dame magnifiquement parée et accompagnée de son page, on pouvait distinguer les paysannes de Kerfeuntan, de Fouesnant et de Plogastel-Saint-Germain, revêtus de leurs costumes nationaux et tenant à la main leurs grands chapelets à grains noirs. Plus loin, on voyait les principaux bourgeois de la ville, couverts de leurs petits manteaux, de leurs larges hauts de chausses et de leurs plus beaux pourpoints qu'ils ne mettaient que les jours de fête. Puis, au lieu d'être assis dans leur stall réservé comme à l'ordinaire, ce jour-là, le noble et le seigneur avaient voulu, par esprit d'humilité, se mêler aux classes les plus indigentes. Ainsi, les rangs étaient entièrement mêlés, et à côté des représentants les plus éminents de la noblesse, les pauvres rustiques, à moitié nus et affamés, se courbaient sur la pierre avec leurs têtes chevelues. Du Granec, comme on le pense, n'avait pas voulu manquer d'assister à cette imposante cérémonie. Mais malgré ce désir, il n'avait trouvé de place dans l'église que pour Madame de Tréfilis et quelques-unes de ses amies qui l'accompagnaient. Il avait donc été forcé de rester, comme tant d'autres, entendre la messe sur la place Saint-Corentin. Là, placé juste en face du grand portail qui était demeuré ouvert, il se plaisait à écouter les sons religieux venir à lui, sonores et retentissants, et il ne pouvait se lasser d'admirer le travail, les belles proportions et le style du monument qui se dressait devant lui. Tout en considérant les tours de cette magnifique cathédrale devant laquelle en cet instant tant d'hommes étaient prosternés, il éprouvait comme une sorte d'orgueil en songeant que cette église avait été construite par des compatriotes, des artistes bretons. Et ses regards se portaient sur la superbe statue équestre du roi Gralon, placée sur la balustrade qui liait les deux tours. Il s'amusait à lire la singulière inscription en vers gravée sous les pieds du cheval du monarque, laquelle commençait ainsi. Comme au pape, donne à l'empereur Constantin, etc. La statue de Gralon qui avait été brisée dans la Révolution vient d'être tout récemment rétablie. Mais plus il regardait l'ensemble de ce beau travail, et plus il déplorait que cette cathédrale, dont la première pierre fut posée en 1424 par Bertrand de Rosmadec, demeura inachevée. En effet, ces tours, faute d'argent, n'avaient pu être finies, et cette imperfection architecturale nuisait considérablement à la grâce de la façade et au reste de l'édifice, si riche de ses nombreuses statues, de ses merveilleux vitraux, de ses écussons, de ses dentelures et de la délicatesse de ses bas-reliefs. Cette cathédrale ne fut guère terminée que vers l'an 1527. Mais l'une de ses flèches ayant été renversée par la foudre, elle fut remplacée par des cônes disgracieux en forme d'étain noir. De nos jours, feu Monseigneur Graverand, évêque de Quimper, par une pensée aussi artistique que nationale, résolut de terminer ses tours, et pour cela il imagina de demander à chacun des fidèles de son diocèse l'obole du chrétien, le sou de Saint-Corentin. Aujourd'hui, ce magnifique travail est heureusement achevé par les soins de son digne successeur, Monseigneur Sergent, évêque de Quimper et de Léon. Soudain, d'autres pensées vinrent le retirer de l'espèce d'extase religieuse dans laquelle il était plongé. Il songea qu'il était bientôt temps de quitter Quimper et de rejoindre son vieux père, puis il était décidé à se rendre près de sa fiancée, Mademoiselle de Loquevel, pour demander sa main au baron de Beaumanoir. Mais un sombre nuage passa sur son visage quand il vint à penser que la fontenelle serait peut-être encore un obstacle à ses projets. Et quand, au milieu de ses réflexions, ses regards se portaient sur les gens du peuple qu'il voyait à ses côtés priant avec ferveur, il les trouvait plus heureux que lui-même et il portait une véritable envie à ces couples fortunés qui passaient leur vie dans l'obscurité sans désir et sans ambition. Cependant, Dugranec, en regardant à travers la grande porte, s'aperçut que la cérémonie touchait à sa fin. Dès que la messe fut terminée, il fut obligé de se ranger pour laisser la foule sortir de l'église. Aussitôt, des chants graves et mystiques s'échappèrent de la cathédrale, et 1000 cierges étincelants s'allumèrent dans les mains des fidèles qui remplissaient la place. Alors la procession commença à se mettre en marche. Elle devait parcourir toutes les rues de la ville. La grande croix d'argent, les bannières, les reliques et les vases sacrés précédaient Charles du Lisquet, qui, la crosse en main, s'avançait accompagné de tous ses chanoines, du clergé de Quimper et de celui des bourgs environnants. Puis derrière venaient les cordeliers et les autres ordres religieux. Ils étaient suivis par les dames du prieuré de Locmaria. Après marchait Kermoguer, gouverneur de la ville, le présidial avec son sénéchal et ses conseillers, le procureur des bourgeois, les échevins, le bailli et l'avocat du roi. Parmi les lieutenants de Kermoguer, Dugranec reconnut le capitaine Leclou, celui qui avait livré la fontenelle. Enfin venaient les bourgeois, les femmes et les enfants qui fermaient la marche. Tous ses fidèles suivaient la procession dans le plus grand recueillement, récitant à haute voix des prières, des motets et entonnant de temps en temps des psaumes, des hymnes et des cantiques. Dugranec, plein d'une douce et sainte émotion, s'était empressé de se mêler à la foule et de suivre la procession à travers les rues. Il l'accompagnait encore lorsqu'elle rentra dans la cathédrale au son de toutes les cloches des églises de Quimper. Là, Monseigneur du Lisquet donna la bénédiction à tout son peuple, qui s'en retourna plein de confiance en la bonté de Dieu et beaucoup plus résigné pour supporter les malheurs à venir. Alors Dugranec rejoignit Madame de Tréfilis et la reconduisit à son hôtel. Cette journée consacrée à la prière et aux aumônes releva singulièrement le courage abattu de tous les malheureux quimpérois, ainsi que celui des gens de la campagne. Jusqu'au soir, la cathédrale, les églises de Saint-François, de Saint-Mathieu et du Guéodet ne désemplirent pas de chrétiens qui vinrent adresser leurs prières à l'Éternel.